Ok, donc, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Commence aujourd'hui le cours 105 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan bayna awliya al-Rahman wa awliya al-Shaytan du Cheikh, avec le commentaire du Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. On est arrivé donc dans l'explication du livre lorsque on a expliqué au dernier cours le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam innama tahtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum yakunu alhana bi hujjatihi min ba'd wa innama aqdi bi nahwi ma asma' aw bi nahwi mimma asma' faman qadaytu lahu min haqqi akhihi shay'an fala ya'khudhuhu C'est-à-dire que, comme il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Salama, si je me rappelle bien, c'était Salama qui a rapporté le hadith, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous venez yani, présenter vos problèmes. Hein? Vous venez vers moi pour me présenter vos problèmes, pour que je juge entre vous. Et c'est possible que certains d'entre vous soient plus éloquents dans la façon de présenter son argument que d'autres. Et je juge uniquement selon ce que j'entends. Alors si jamais je juge ou je décrète en faveur de son... Par exemple, si je décrète à quelqu'un un droit qui est en réalité le droit de son frère, parce que je juge, il dit, je juge selon ce que j'entends. Donc, si je me trompe ou si je juge, par exemple, par rapport à ce que j'ai entendu pour quelqu'un comme étant, yani, comme étant celui qui est dans le droit d'avoir quelque chose, puis que finalement, c'est uniquement parce que l'autre, il n'a pas été capable de bien s'exprimer ou de bien s'expliquer, ce qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait décrété ou donné le droit de l'un à celui qui ne le mérite pas réellement. Et que donc dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, alors qu'il ne le prenne pas. C'est-à-dire qu'il ne prenne pas ce que je lui ai donné. Puisque sinon, c'est comme s'il prenait un morceau de l'enfer. C'est comme s'il prenait un morceau de l'enfer. Et comme le cheikh Al-Fawzan, il expliquait par rapport à ce hadith-là, c'est-à-dire que lorsque deux musulmans vont au tribunal et qu'ils sont devant le juge, si par exemple un des deux est plus fort à s'exprimer et à s'expliquer que l'autre, et qu'il réussit à tromper le juge et à lui faire croire que c'est lui qui a raison et que son frère a tort, et que finalement par exemple le juge il dit « bon ok, ça c'est à toi, tu peux le prendre », alors que lui dans le fond de son cœur il sait que c'est pas à lui et que c'est à son frère. Alors, il ne faut pas qu'il se base sur la décision du juge pour rendre halal ce qui est haram ou pour s'approprier le droit de quelqu'un d'autre. Même si le juge lui a donné, ça ne veut pas dire que c'est à lui. Qu'est-ce qui détermine si c'est à lui ou non? C'est la vérité. Donc, s'il a dit quelque chose ou s'il a exprimé au juge des choses d'une façon qui a fait croire au juge que c'est lui qui avait raison, et que c'est son frère qui avait tort alors que la vérité c'est le contraire, eh bien il n'a pas le droit de le prendre. Parce que s'il le prend, eh bien c'est comme si, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est comme s'il prenait un morceau du feu de l'enfer dans ses mains. Et donc ce hadith-là, il est extrêmement important, il a une grande signification, et ça clarifie beaucoup de choses. Et le Cheikh Al-Fawzan, il expliquait également par rapport à ce hadith-là que tous les procès qui ont eu lieu sur terre, hein, entre des hommes, et que dans ces procès-là, il y a eu une injustice, ou que la justice n'a pas été appliquée ou établie de façon correcte, eh bien, tous ces procès-là vont être refaits au jour de la résurrection. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala va juger lui-même, encore une fois, de tous ces procès-là, et il va trancher, hein, selon la vérité et selon la justice, pour que les vrais coupables soient punis, et que les vrais... opprimés ou ceux qui ont été lésés soient rétribués ou bien, disons, pour qu'on répare l'injustice qui leur avait été faite et qu'ils ont subie. Donc, on avait expliqué ça. Et ensuite, le cheikh, il avait mentionné qu'il y a même un consensus des ulama sur le fait qu'il n'est pas permis à quelqu'un de prendre quelque chose que le juge lui a décrété ou lui a jugé, même si le juge lui a décrété ou lui a jugé, il n'a pas le droit de le prendre si ce n'est pas à lui. Et ça, il y a un ijma des ulama à ce sujet. Ensuite, il dit, وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك فأكثر العلماء يقولوا إن الأمر كذلك وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وفرق أبو حنيفة رحمه الله بين النوعين فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه. Donc ici, le cheikh, il mentionne, il dit, وَإِنْ حَكَمَ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ بِمِثْلِ ذَلِكِ. Ici, il a jugé dans les contrats et dans les abrogations ou les annulations, eh bien, c'est la même chose. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, à ce sujet-là, الْحَدِيثُ عَامٌ فِي الْعُقُودِ وَفِي الْفُسُوخِ كَالطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ مِنْ فُسُوخِ الْعُقُودِ. Hein, les عُمُومِ الْحَدِيثِ. Donc, il dit, ça, c'est pour dire que le sens du hadith qu'on a lu tantôt, c'est un sens qui est général, qui s'applique dans tous les contrats et même dans les annulations, comme par exemple le divorce et d'autres cas également, parce que le sens du hadith est général. Puis après, il dit فَأَكْثَرُ الْعُلَمَا يَقُولُ إِنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ. Donc la plupart des ulama disent c'est ainsi, c'est-à-dire le hadith il est général. Et c'est également la position de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc ces trois madhahib sont d'accord sur cette position-là. Et il dit, tandis que Abu Hanifa, lui, il fait une distinction entre les deux catégories. C'est-à-dire, il fait une distinction entre les contrats et les annulations de contrats. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça en disant « فَرَّقَ بَيْنَ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ فَعِنْدَهُ » أن حكم الحاكم يكون في العقود إذا صارت خطأ والقاضي لا يدري فليس للمبطل أن يأخذ ما قضي به أما الفسوخ كالطلاق فلا يجوز للقاضي أن يحكم إلا بتثبت لا يكتفي بالظاهر بل يتأكد ويتحقق من الأمر. Donc il dit, tandis que Abu Hanifa lui fait une distinction entre les contrats et les annulations ou les abrogations de contrat, et il dit que pour lui, le jugement du juge, c'est uniquement lorsque c'est dans les contrats qu'il peut y avoir une erreur, puisque le juge, parfois, il ne sait pas ce qui est caché. Et donc, celui, par exemple, qui a menti ou qui a déclaré des choses fausses pour avoir le jugement en sa faveur, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'a pas le droit de prendre ce qui lui a été donné de la part du juge, hein, lorsque le juge se trompe. Mais tandis que dans les annulations de contrat, comme par exemple les divorces, eh bien, dans ce cas-là, il n'est pas permis au juge de juger, excepté s'il a vérifié. Il ne peut pas juste se suffire de prendre ce qui est apparent. Il faut qu'il soit, disons, certain. Et qu'il vérifie la question avant de juger. Donc ça, c'est pour ce qui est de la position de Abu Hanifa là-dessus, qui fait une distinction entre les contrats et les annulations. Il dit ensuite donc, que le sens du terme « shara » ou « sharia » en arabe, quand on parle de la religion, eh bien, si ce qu'on désigne par le terme « sharia », c'est le Coran et la Sunna, alors, dans ce cas-là, personne n'a le droit d'en sortir. Hein? Y a personne parmi les serviteurs d'Allah, peu importe qu'il soit parmi les serviteurs rapprochés ou les awliya ou autres, qui a le droit de sortir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Coran et dans la Sunna. Tandis que si on parle de la charia dans le sens de qu'est-ce qui a été décrété par un juge dans un tribunal, eh bien, c'est comme on vient de l'expliquer. Le juge, il peut avoir raison comme il peut se tromper. Donc, son jugement, ce n'est pas une révélation divine. son jugement, ça peut être, il peut être erroné comme il peut être correct. Et c'est pour ça que dans le cours précédent, on expliquait la division que les ulama ont expliquée en ce qui concerne al-shar' al-munazzal, wa al-shar' al-mubaddal, wa al-shar' al-mu'awwal. Et que, yani, al-shar' al-munazzal, c'est ce qui est révélé de la part d'Allah, le Coran et la Sunna. Et al-shar' al-mu'awwal, c'est qu'est-ce qui rentre dans les questions d'ijtihad entre les ulama. D'accord? Et donc, ici, Ibn Taymiyyah, il explique que si quelqu'un, il parle de la charia ou de al-shara, et qu'il veut dire par cela ce qui est révélé et ce qui vient d'Allah, le Coran et la Sunna, alors dans ce cas-là, personne n'a le droit d'en sortir, peu importe qu'il soit parmi les awliya ou autres. Et il dit ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage-là en disant que, il dit, « وَالنَّاسْ أَوْ النَّاسْ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ دَائِمًا الشَّرَى يُرِيدُونَ بِذَلِكَ حُكْمَ الْقَاضِي وَيُسَمُّونَهُ شَرْعًا وَلَكِنَّ الشَّرْعَ الصَّحِيحِ وَالْحَقِّ هُوَ مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا حُكْمُ الْقَاضِي فَهُوَ اجْتِهَادٌ يُخْطِي وَيُصِيبُ الشَّرْعُ الَّذِي لَا يُخْطِي هُوَ مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَّا الشَّرْعُ الَّذِي هُوَ حُكْمُ الْحَاكِمِ فَهُوَ يُخْطِي وَيُصِيبُ وَلَا تَقُلْ أَنَا أخذت هذا الحكم الشرعي يعني بقضاء القاضي لأن القاضي يجتهد قد يصيب وقد يخطي. Donc il dit maintenant qu'est-ce qui se passe souvent quand les gens ils mentionnent le terme shara ou sharia, ils veulent dire par cela le jugement du juge, qu'est-ce que le juge a jugé ou décrété, et ils appellent ça le shara ou bien sharia. Et le cheikh il dit toutefois en réalité qu'est-ce qui est réellement la charia, et qu'est-ce qui est réellement al-shara, c'est la vérité seulement, c'est-à-dire ce qui est révélé de la part d'Allah, Azza wa Jal. Tandis que le jugement du juge, ça c'est un ijtihad, c'est-à-dire c'est un effort pour essayer d'arriver à la vérité. Sauf que son effort peut être un effort qui est erroné, et parfois un effort qui est correct. Il peut avoir raison comme il peut avoir tort. Tandis que quand on parle de la révélation d'Allah, ce que Allah a révélé, il ne peut y avoir d'erreur dedans. Ça ne peut être que la vérité, puisque c'est la révélation divine. Tandis que le jugement du juge, ça peut être erroné comme ça peut être correct. Donc, tu ne dois pas dire dans ce cas-là, j'ai pris le jugement de la charia, en voulant dire qu'est-ce que le juge a décrété. Parce que le jugement du juge, eh bien, c'est un ijtihad, c'est un effort, une tentative d'atteindre la vérité, mais ça peut être correct comme ça peut être erroné. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit وَأَنَّ مَنْ ظَنَّ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ لِأَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ طَرِيقًا إِلَى اللَّهِ غَيْرَ مُتَابَعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاطِنًا وَظَاهِرًا فَلَمْ يُتَابِعْهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِقِصَّةِ مُوسَى مَعَ الْخِدْرِ كَانَ غَالِطًا مِنْ وَجْهَيْنِ. Donc ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il explique que celui qui pense que quelqu'un parmi les serviteurs d'Allah qui sont rapprochés, parmi les awliya, peut avoir une voie ou un chemin spécial vers Allah qui est différent de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a suivi, que ce soit intérieur ou que ce soit quelque chose d'apparent ou de caché, en réalité, il ne l'a pas suivi dans ce cas-là, ni intérieurement, ni de façon intérieure, ni de façon extérieure, ni de façon cachée, ni de façon apparente. Et donc, dans ce cas-là, par conséquent, il sera considéré comme un mécréant. Pourquoi? Parce que personne n'a le droit de prétendre qu'il a un autre chemin pour arriver à Allah que le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a des gens qui disent, il y a deux chemins pour arriver à Allah. Le chemin qui est apparent et le chemin qui est caché. Et les soufis, par exemple, la secte des soufis, eux, ils disent, nous, on a un chemin caché ou un chemin secret pour arriver à Allah. Tandis que les musulmans ordinaires, comme ceux qu'ils appellent les musulmans ordinaires, c'est les prophètes et ceux qui les ont suivis, hein, en suivant la révélation, eh bien, eux, ils ont qu'est-ce qui est apparent, hein, le chemin apparent. Ce n'est pas un chemin secret pour eux, c'est un chemin apparent. Et ça, c'est le chemin des gens du commun. Yani, comme ils disent, al-haqiqa wa al-shari'a. Ils divisent la religion comme ça. Et celui qui pense qu'il a un chemin secret pour arriver à Allah ou un autre chemin pour arriver à Allah que celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit secret ou apparent ou caché ou intérieur ou extérieur, peu importe. Hein? Et celui-là, il n'est pas musulman, il est kafir. Et il dit, le cheikh, il dit, Waman ihtadja bidhalik, celui qui essaie d'utiliser pour justifier cette séparation, cette distinction, l'histoire de Moussa alayhi salam avec Khidr, hein, eh ben, il est dans l'erreur de deux points de vue. Parce qu'il y a des soufis comme ça qui se basent sur cette histoire qui est mentionnée dans Sourate Al-Kahf, à propos de Moussa alayhi salam. Lorsqu'il a demandé, lorsqu'il avait dit, je suis le plus savant, hein, c'est moi qui ai le plus de connaissances. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait savoir qu'il y avait quelqu'un qui avait plus de savoir que lui. Et quand il a voulu le rencontrer, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit à quel endroit pour aller qu'il devait aller pour le rencontrer. Et c'est là qu'il a rencontré par la suite Khidr. Et Khidr, il jugeait selon quelque chose que Allah lui avait révélé, une science qu'il avait de la part d'Allah. Et Moussa alayhi salam, lui, il jugeait selon une autre science, hein, que Allah lui avait donnée, qui était différente de celle de Khidr. Alors, certains parmi les soufis prétendent que eux, ils sont comme Khidr, hein, ou bien ils ont rencontré Khidr. Et donc, par conséquent, ils disent, nous, on n'a pas besoin de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que on est en train de suivre Khidr, ou bien on est comme Khidr. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Certains parmi eux, ils prétendent qu'ils ont rencontré Al-Khidr, ou bien qu'ils sont Al-Khidr eux-mêmes. Il y a toutes sortes de mensonges comme ça. Donc, on va voir de quelle façon on réfute ce genre de prétention. Cheikh Al-Fawzan, il clarifie les deux phrases qu'on a lues par rapport à les paroles de Ibn Taymiyyah ici. Il dit, par rapport à ceux qui pensent qu'ils ont un autre chemin pour arriver à Allah, qui est autre que celui que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a suivi, il dit à ce sujet-là, il dit, « وَهَذَا كَرُولَاتِ الصُّوفِيَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ نَحْنُ وَصَلْنَا إِلَى اللَّهِ » وبعضهم يقول أنا آخذ عن الله مباشرة ولا أحتاج إلى الرسل وإنما الرسل للعوام أما الخواص فليس بحاجة إلى الرسل هذا كفر وإلحاد والعياذ بالله فإنه ليس للناس طريق إلى الله عز وجل إلا عن طريق الرسل فالذي يزعم أنه يستغني عن الرسل هذا ملحد وإن كان يزعم أنه من أولياء الله فهو من أولياء الشيطان ليس من أولياء الله. Donc ici le cheikh il explique, il dit que il y a parmi justement les extrémistes, parmi les soufis, c'est-à-dire parmi les extrémistes, ceux qui sont soufis, ils disent que ils disent, nous sommes déjà arrivés à Allah, on a atteint Allah. Et d'autres disent, yani, on a pris notre religion d'Allah directement, on n'a pas besoin de messagers. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas besoin du Coran et de la Sunna et des hadiths ou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour connaître la religion, pour connaître Allah, pour savoir comment faire l'adoration, pour se rapprocher, pour arriver au paradis. Eux, ils n'ont pas besoin du prophète. Ils disent, nous, on n'a pas besoin du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, les messagers sont juste pour les gens ordinaires, les gens simples, hein? Les profanes, hein? Les gens qui n'ont pas la connaissance mystique, hein? Comme nous. Ils disent, nous, les soufis, on a la connaissance mystique. On a une connaissance secrète. On n'a pas besoin de messagers et de prophètes. Hein? Il dit, nous, on n'a pas besoin de ces choses-là. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit ça, c'est du kofr. Hein? C'est une forme d'athéisme et de mécréance. Wal'ayadu billah. Il dit, parce qu'il n'y a personne qui peut prétendre qu'il a une voie vers Allah autre que la voie du messager, hein? Ou la voie des messagers. Et celui qui prétend qu'il peut se passer des messagers, qui n'a pas besoin des messagers, eh bien ça, c'est un athée en réalité, c'est un mécréant, un mulhid. Et il dit, même s'il prétend qu'il fait partie des alliés d'Allah ou des rapprochés d'Allah, hein? Et beaucoup d'entre les soufis, c'est ça ce qu'ils prétendent. Quand ils disent qu'ils sont des awliyas d'Allah, ils veulent dire en réalité, hein, qu'ils sont des philosophes. Ils pensent que les philosophes sont des awliyas. Hein? Donc ils disent, nous on est des philosophes, donc on est des awliyas. Hein? On est des sages. Hein? On est des sages. On a connu Allah par nos propres moyens. On n'a pas besoin de révélation pour connaître Allah. On connaît Allah par nos propres moyens. Soit par la raison, ou soit par la réflexion, ou soit par la méditation, ou soit par toutes sortes d'exercices spirituels, hein, que le shaitan leur a inspiré. Donc ils s'imaginent que par cela, ils peuvent connaître Allah mieux que les messagers. Hein? Et ça, c'est clair que c'est du kufr et c'est de l'égarement. Et donc, même si ces gens-là prétendent faire partie des serviteurs rapprochés d'Allah, ils sont en réalité des alliés du shaitan et des awliyas du shaitan. Ils ne font pas partie des alliés d'Allah, hein, ou des awliyas d'Allah. Après, en ce qui concerne la deuxième phrase, ceux qui se basent sur l'histoire de Khidr avec Moussa a.s., Cheikh, il répond à ça de deux points de vue. Et Cheikh Al-Fawzan, il commente sur cette phrase, il dit يحتجون بأنه يجوز للإنسان أن يخرج عن الشريعة إذا كان عنده ذوق أو أنه يزعم أنه ولي من أولياء الله فليس بحاجة إلى الرسل أو إلى الرسول ويحتجون بقصة الخضر مع موسى عليه السلام فإن الخضر في وقت موسى ومع فإن الخضر في وقت موسى ومع هذا هو ليس من أتباع موسى نقول موسى عليه السلام رسالته ليست عامة كرسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ولذلك قد يكون في الزمان الواحد والوقت الواحد أنبياء متعددون وكل له شريعة ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لأن الرسالات السابقة ليست عامة أما رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي عامة للثقلين الجن والإنس فلا يسع أحدا الخروج عنها مهما بلغ من الولاية ومن العلم ليس له أن يخرج عنها بخلاف الخضر فإن رسالة موسى ليست عامة وإنما هي خاصة ببني إسرائيل وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم يعني بني إسرائيل فهو رسول إلى بني إسرائيل وليست رسالته عامة للثقلين كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى لأن شريعة موسى خاصة لا تتناول كل أهل الأرض. Donc ici le cheikh il explique un point important pour réfuter et pour répondre à cet argument de la part des soufis qui prétendent que eux ils sont comme Khidr ou ils suivent Khidr ou que c'est l'exemple de Khidr avec Moussa alayhi salam. Il dit ces gens-là ils prétendent comme argument qu'il est permis à quelqu'un de sortir de la charia s'il a, qu'est-ce qu'on appelle, al-dhawq. Al-dhawq, c'est quoi? Comme on l'a expliqué déjà, c'est ceux qui pensent que ils peuvent connaître Allah et adorer Allah selon leurs expériences sensuelles hein, ou sensorielles. Par exemple, ils disent, si on a expérimenté quelque chose comme expérience, comme exercice spirituel ou comme pratique hein, spirituelle, mystique, et que ça nous a fait connaître des choses à propos de la religion, ou bien ça nous a donné certaines sensations hein, qui étaient selon eux positives hein, ou bénéfiques, eh bien, ils en font une adoration et ils pensent que ça, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala leur a inspiré ou révélé. Ils se basent là-dessus hein, comme étant une référence pour adorer Allah. Et ils légifèrent ou ils décrètent à leurs fidèles ou à leurs adeptes hein, dans leur secte de faire la même chose hein, et de pratiquer ces innovations-là hein, et ces différentes bid'a que leurs cheikhs inventent. Donc, il devient pour eux comme un gourou chez les hindous, là, chez les hindous et les mushrikines qui ont des gourous. Ils les suivent aveuglément et ils prennent tout ce qu'il leur donne, que ce soit en accord avec le Coran et la Sunna ou que ce soit en contradiction avec le Coran et la Sunna. Pour eux, ça n'a aucune importance puisqu'ils s'imaginent que hein, leur cheikh, il prend d'Allah directement et qu'il a yani, des révélations ou des inspirations divines comme les prophètes, donc il n'a pas besoin des prophètes. Hein? Allah musta'an. Ou bien il prétend qu'il est un wali parmi les awliya d'Allah, hein? Un serviteur proche d'Allah. Et par conséquent, il dit, je n'ai pas besoin de messager, hein? Je n'ai pas besoin de prophète. Et ils utilisent parfois aussi comme argument l'histoire de Khidr avec Moussa alayhi salam. Et yani, quand on regarde l'histoire dans le Coran à propos de Khidr et de Moussa, on voit clairement que yani, Khidr, contrairement à qu'est-ce qui peut être dit à notre époque, comme le cheikh il l'explique, il dit Khidr, il était à l'époque de Moussa alayhi salam, ça c'est vrai. Sauf qu'il ne faisait pas partie des gens qui suivaient Moussa, alayhi salam. Et l'explication de ça, c'est en fait un moyen de les réfuter, c'est de savoir que, premièrement, Moussa, alayhi salam, sa révélation et son message n'étaient pas générales. C'était pas une révélation générale, contrairement à la révélation du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. La révélation du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, elle est générale, c'est-à-dire que sa révélation, elle est pour tous les hommes jusqu'à la fin des temps et pour tous les peuples jusqu'à la fin des temps. Et il n'y a pas donc de différence entre une personne ou une autre, ou un peuple ou un autre, ou une religion ou une autre. Tous les êtres humains sur la terre, depuis la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et depuis qu'il a reçu le Coran, et la Sunna jusqu'à la fin des temps, personne n'a le choix ou n'a d'autre choix que d'accepter l'islam et de suivre la révélation qui a été donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que avant les prophètes qui étaient envoyés avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien la situation à leur sujet était différente. Ce n'était pas la même chose. Parce que c'était possible même que dans le passé, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était possible qu'il y ait à la même période plusieurs messagers, hein, plus qu'un seul messager ou plus qu'un seul prophète. Et chacun d'entre eux avait une charia différente. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 48 dans Sourate Al-Ma'ida, وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. C'est-à-dire à chacun d'entre nous, hein, à chacun d'entre vous, nous avons donné une révélation et une voie, hein, une législation et une voie à suivre. Et le cheikh, il explique que les messagers précédents, leur message n'était pas général. C'est-à-dire que ce n'était pas pour tous les peuples. Et ce n'était pas non plus pour toutes les époques. Contrairement au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est un message qui est général pour al-Thaqalayn, les deux mondes, c'est-à-dire le monde des hommes et le monde des djinns. Et par conséquent, personne d'entre les hommes et d'entre les djinns n'a de choix de sortir de ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, peu importe le degré de piété et de rapprochement qu'il a avec Allah ou de science qu'il a à propos de la religion d'Allah. Il n'a pas le droit de sortir de ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est Khidr, même si c'était Khidr, il n'aurait pas le droit de sortir de la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à l'histoire de Khidr à l'époque de Moussa alayhi salam, parce que le message de Moussa alayhi salam, il était spécifique et il n'était pas général. Il était spécifique aux fils d'Israël. Et c'était une révélation qui était donnée aux fils d'Israël et à Pharaon, et non pas à tout, à tous les hommes. Et donc, Khidr était exclu de cette obligation-là. Il n'avait pas l'obligation de suivre Moussa alayhi salam. Et Moussa n'avait pas l'ordre de prendre ou de juger selon qu'est-ce qui était donné à Khidr. Chacun avait sa loi et sa révélation ou ses ordres. Et ici, il mentionne le verset 5 dans Surat As-Saff, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et lorsque Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, pourquoi me faites-vous du tort, alors que vous savez que je suis pour vous, que je suis pour vous un messager d'Allah, ou que je suis pour vous le messager d'Allah ?» C'est-à-dire le messager d'Allah pour Bani Israël, pour les fils d'Israël. Donc, il est le messager d'Allah envoyé aux fils d'Israël seulement. Donc, ça veut dire que ce message de Moussa alayhi salam, il n'était pas général. Il n'était pas pour tous les êtres humains. Il n'était pas pour les hommes et les djinns non plus. Contrairement à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est général pour tous les êtres humains. Et c'est pour ça que Khidr, à l'époque de Moussa alayhi salam, il avait le droit, et il pouvait sortir de la charia de Moussa alayhi salam, parce que la charia de Moussa était particulière et spécifique à son peuple seulement, et lui, Khidr, ne faisait pas partie de son peuple. Et donc, il n'était pas concerné par son message, de même que le reste des habitants de la terre n'étaient pas concernés par son message. Ensuite, le cheikh, il dit « Wal-Khidr, abdun salih, wakhtalafu fihi, hal huwa nabiyun aw waliyun min awliya'illah. Yani, indahu ilm, a'atahu Allahu ilman, fawajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Fahuwa indahu ilmun min Allah subhanahu wa ta'ala. وليس من ذوقه أو من وجده أو من بل من الله يعني أعطاه الله له وقيل إنه نبي يوحى إليه رجح بعض العلماء أنه نبي ومنهم الشيخ ابن باز الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله يرجح أن الخضر نبي ولأنه ظهر على يده معجزات لا تكون إلا للأنبياء والفريق الثاني على أنه عالم ولي من أولياء الله. Donc ici le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, il explique que en ce qui concerne Khidr, qu'est-ce que les ulama ont dit par rapport à lui? Certains parmi eux ont dit que c'est un prophète. Donc, ils ont une divergence entre eux à propos de Khidr. Certains parmi les ulama ont dit que Khidr est un homme pieux, et d'autres ont dit c'est un prophète parmi les prophètes, et d'autres ont dit c'est un serviteur pieux qui est rapproché d'Allah, un wali parmi les awliya. Et il dit, et il a de la science de la part d'Allah. Allah lui a donné cette science. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 65 dans Sourate Al-Kahf. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement à propos de Khidr dans ce verset-là, que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une science. Hein? Dans le verset 65, il dit ce qui signifie, « Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. » Donc ça, ça veut dire que Khidr, la science qu'il possédait, elle lui venait d'Allah. Donc ça veut dire qu'elle ne vient pas d'expérience spirituelle ou d'exercice spirituel qu'il a pratiqué ou de sensations qu'il a expérimentées en inventant ou en innovant des innovations ou des bid'ah, hein, contrairement aux soufis qui aujourd'hui, eux, ils se basent là-dessus pour déterminer qu'est-ce qui est correct dans la religion ou qu'est-ce qui est bien comme adoration ou des choses de ce genre. Plutôt non, Khidr, il prenait sa science de la part d'Allah directement. C'est-à-dire, Allah lui avait donné cette science. Et certains, pour ça, ont dit que, justement, c'est un prophète. Hein? C'est un prophète puisqu'il recevait une révélation. Et d'autres, parmi les ulamas, ont dit non, que c'est un homme pieux. Parmi les ulamas qui ont dit que c'était un prophète, il y a, par exemple, le Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, hein, l'ancien mufti en Arabie Saoudite. Il disait, rahimahullah, que la position correcte par rapport à Khidr, c'est que c'est un prophète. Puisque Allah lui a donné cette science, donc c'est une révélation d'une certaine façon, et ici il dit également qu'il a pratiqué certains miracles, hein, ou il a fait certaines choses que seul un prophète pouvait faire. Hein, dans l'exemple qui est mentionné à son sujet dans Sourate Al-Kahf. Et donc, l'autre opinion, ou l'autre position, c'est que ce n'est pas un prophète, mais que c'est un homme pieux parmi les hommes pieux. Naam, ala kulli hal, hein, l'important c'est de savoir que la science qu'il a reçue, c'était une science qui venait d'Allah, et non pas quelque chose qu'il a innové ou inventé de lui-même ou qu'il a fait en se basant sur ses sensations ou ses sentiments. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit par rapport aux deux façons comment on peut répondre aux shubuhat à propos de Khidr que les soufis parfois essaient d'employer, il dit ahaduhuma أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا كان على الخضر اتباعه فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل أما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه فكيف بالخضر سواء كان نبيا أو وليا. Donc ici, Cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne les arguments. Parmi les arguments qu'il a mentionné ici, c'est pour réfuter ceux qui prétendent que l'histoire de Khidr avec Moussa alayhi salam, c'est quelque chose qui peut être qui est une justification pour ce que font certains soufis aujourd'hui de prétendre que ils n'ont pas besoin des messagers parce qu'ils disent on est comme Khidr avec Moussa, hein. Donc, il compare Moussa, alayhi salam, avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à notre époque, et ils disent que eux ils sont comme Khidr avec Moussa alayhi salam. Donc ils disent, nous on n'a pas besoin du prophète, hein, la même manière que Khidr avait pas besoin de Moussa alayhi salam. Et ça, c'est une grande erreur. On a mentionné déjà l'explication à ce sujet-là, comme on l'a déjà résumé, c'est que premièrement, Khidr ne faisait pas partie de ceux qui suivaient Moussa alayhi salam, parce que Moussa alayhi salam a été envoyé à Bani Israël seulement. Tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi salam, c'est différent. Son message est général pour tous les êtres humains et les djinns, pas seulement pour un peuple en particulier comme Moussa qui était venu seulement pour Bani Israël. Et il dit que si, hein, il dit, لو أدركه من هو أفضل من خضر, hein, il dit, même s'il avait été rencontré, c'est-à-dire si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rencontrait à notre époque quelqu'un meilleur que Khidr, comme par exemple Ibrahim ou Moussa ou Isa, eh bien il n'aurait pas eu d'autre choix que de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire de Khidr, hein? Peu importe qu'il soit un prophète ou un wali, hein, ou un serviteur rapproché d'Allah, il n'aurait pas d'autre choix que de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est justement ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lorsqu'il a vu qu'il portait des pages de la Bible dans ses mains. Il lui a dit, Ya Omar, hein, il dit, Law kana Moussa hayyan, lama kana lahu illa an yattabi'ani. C'est-à-dire, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, Oh Omar, même si Moussa était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. C'est la preuve que peu importe qui, de qui il s'agit, n'a pas de choix que de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si c'était Khidr ou quelqu'un d'autre, ou meilleur que Khidr. Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur ce passage-là. Il dit, Risalat Moussa alayhi salam khassa, Risalat amma, la ta'ammu al-Khidr, ma ammat ahl al-ard kullahum, ma ammat أهل الأرض كلهم مثل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر خصائصه قال وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر منها وما وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وهذا كما في قوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, il explique que le message de Moussa alayhi salam était spécifique aux fils d'Israël. C'était pas un message général. Et ça ne comprenait pas Khidr. Hein? Ce n'était pas général pour tous les habitants de la terre. Donc, ce n'était pas comme le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ce point-là dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Jabir, radiyallahu anhu, lorsqu'il dit que, il mentionne les caractéristiques ou les particularités de sa da'wa par rapport aux autres prophètes. Et parmi ces choses-là, il dit en fait, on m'a donné cinq choses que aucun autre prophète avant moi n'a reçues. Et il dit, parmi ces cinq choses, il dit, les prophètes étaient envoyés avant moi à un peuple en particulier, tandis que moi, j'ai été envoyé à tous les hommes. Donc ça, c'est une des différences entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les autres messagers qui ont été envoyés avant lui. Ils n'étaient pas envoyés à tous les peuples, ils étaient envoyés seulement à un peuple en particulier. Même Jésus, alayhi salam, Isa, ibn Maryam, il dit, inni rasulullah ilaykum, il dit, wa rasulan ila bani Israël. Donc c'était un messager envoyé aux fils d'Israël seulement. Et même dans l'évangile des chrétiens qui est présente aujourd'hui dans leurs mains et qui a été falsifié et déformé de toutes les façons, eh bien, ils disent dedans que Jésus aurait dit: Je n'ai été envoyé que pour la brebis perdue de la maison d'Israël. Hein? Donc, ça, c'est une clarification et quelque chose qui exprime clairement que les prophètes précédents n'étaient pas envoyés à tous les peuples. Ensuite, le cheikh, il explique que même dans le Coran, il y a des versets qui indiquent que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est pour toute l'humanité sans exception. Et il mentionne à ce sujet-là le verset 107 en sourate Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: Et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Et le verset 28 dans sourate Saba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: Et nous ne t'avons envoyé que pour tous les hommes comme un annonciateur d'une bonne nouvelle et un avertisseur. Et il mentionne le verset 158 dans sourate Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: Dis ô Muhammad, ô vous les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Je suis pour vous tous, hein, le messager d'Allah. Donc, ça, c'est des versets qui sont très clairs et qui indiquent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un messager envoyé pour toute l'humanité, sans exception, même pour les djinns, hein, al-thaqalan. Ensuite, il mentionne, dans le verset 81, il mentionne d'autres exemples aussi. Il dit: وكما قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أخذ الله الميثاق على الأنبياء جميعا أنه لو بعث محمدا صلى الله عليه وسلم أو لو بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ومنهم أحد حي أنه لا يسعه إلا اتباعه فكيف بغيرهم وعلى الخلاف سواء كان نبيا أو وليا يعني ما يلزمه اتباع موسى لأنه لم يرسل إليه ها وبهذا يجزم بأن الخضر ميت ردا على الذين يزعمون أنه حي لأنه لو كان حيا أو لو كان حي نعم لو كان حيا لجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه. Donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne également dans un autre verset, et ça c'est une preuve assez claire aussi pour réfuter cette idée de la part des soufis qui prétendent qu'ils sont comme Khidr et qu'ils n'ont pas besoin de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 81 dans surat Al-Ma'idah, ce qui signifie: et lorsque Allah pris cet engagement des prophètes, c'est-à-dire de tous les prophètes qui ont été envoyés avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pris cet engagement-là avec Allah. Chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, si un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devez lui porter secours. Hein, donc, c'est-à-dire que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous est envoyé alors que vous êtes présent, eh bien, dans ce cas-là, c'est votre devoir de croire en lui et de lui porter secours. Et ils disent, hein, ils ont dit quoi? Il leur dit, c'est-à-dire ils dirent à Allah, Allah leur a dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? Et c'est là qu'ils ont répondu, nous consentons. Hein? Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, alors soyez donc témoins, hein, et me voici avec vous parmi les témoins. Donc, Ça, c'est ce qui confirme que tous les messagers ont confirmé et ont consenti d'accepter et de reconnaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si jamais il était envoyé en même temps que eux, qu'ils devaient croire en lui et le supporter et le défendre. Donc, il dit le cheikh ici que Allah leur a donc fait prendre cet engagement. Hein? Tous les prophètes ont tous pris cet engagement que si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était envoyé et que un d'entre eux était vivant, ils n'auraient pas d'autre choix que de le suivre. Alors que dire dans ce cas-là de ceux qui sont en dehors des prophètes ou qui ne sont pas un prophète? Et selon la divergence qu'on a mentionnée tout à l'heure à propos de Khidr, est-ce que c'était un prophète ou non? Et en est dans tous les cas, peu importe qu'on dise que ce soit un prophète ou non, eh bien, ils n'auraient pas d'autre choix que de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si il était vivant à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que Moussa alayhi salam, eh bien, il n'était pas obligé de le suivre, puisque, c'est-à-dire que Moussa alayhi salam, Khidr n'était pas obligé de le suivre parce qu'il n'avait pas été envoyé à Khidr. Hein? Et c'est pour cette raison-là que on peut dire de façon certaine que Khidr est mort, de toute façon. Et c'est une réfutation de ceux qui prétendent qu'il est encore vivant. Parce que s'il était encore vivant, eh bien, il n'aurait pas eu d'autre choix que de venir à la rencontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de déclarer sa foi en lui et de le suivre, hein, et de lui donner son support. Ensuite, le cheikh, il dit, cheikh al-Fawzan, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, « وَلِهَذَا قَالَ الْخِضْرُ لِمُوسَى إِنَّا عَلَى عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِي اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ هَا إِنَّا عَلَى عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ هَا Donc il dit, hein, attends, on va lire la suite aussi. Il dit, وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الثَّقَلَيْنِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ رِسَالَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ مِثْلَ هَذَا. Donc, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il cite une parole qui est rapportée par Khidr. Et qu'est-ce qu'il a dit à Moussa alayhi salam dans le hadith? Parce que aussi, c'est important de mentionner que l'histoire de Moussa et de Khidr, elle n'est pas seulement mentionnée dans le Coran. Elle est également mentionnée dans la Sunna authentique du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et on retrouve le récit de l'histoire de Khidr avec Moussa dans les hadiths authentiques de Al-Bukhari et Muslim avec plus de détails que ce qui est mentionné dans le Coran. Et c'est pour cette raison-là que, en regardant l'explication qui a été donnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet de cette histoire entre Moussa alayhi salam et Khidr, on découvre des explications et des choses, des points qui nous aident à comprendre justement encore mieux cet événement-là. Et ici, le cheikh, il dit que c'est pour cette raison que Al-Khidr, il a dit à Moussa alayhi salam, je suis sur une science parmi la science qui vient d'Allah, que Allah m'a enseigné et que tu ne connais pas. Et toi, c'est-à-dire Khidr, il dit à Moussa alayhi salam, et toi, tu es sur une science parmi la science qui vient d'Allah, que Allah t'a enseigné et que je ne connais pas. Donc ici, hein, ici, ça c'est la preuve que yani, Moussa alayhi salam, il se base sur qu'est-ce qu'il a reçu d'Allah comme connaissance et Khidr se base sur qu'est-ce qu'il a reçu comme connaissance d'Allah. Et il dit que ensuite, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, après avoir mentionné cette partie du hadith, il dit, et il n'y a personne parmi les hommes et parmi les djinns à notre époque, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont reçu le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a le droit de dire ou qui a la capacité de dire ce que Khidr a dit au prophète Moussa alayhi salam. Il n'y a personne parmi les hommes ou les djinns qui ont reçu le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui peuvent se permettre de dire cette parole que Khidr a mentionnée à Moussa alayhi salam à notre époque. Donc il dit, Cheikh Al-Fawzan, il répond, il mentionne par rapport à ces points-là, il dit فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْخِدْرَ عِنْدَهُ عِلْمٍ كَمَا أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَهُ عِلْمٍ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَيَقُولُ أَنَا عِنْدِي عِلْمٌ لَيْسَ مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَمَا قَالَهُ الْخِدْرُ مَعَ مُوسَى لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا لِأَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ عَلَى الْخَلْقِ اتِّبَاعَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Donc ici le cheikh il dit que ça c'est la preuve que Khidr il a une science. De la même manière que Moussa alayhi salam, il a une science qui vient d'Allah. Et il dit, et personne ne peut se permettre de sortir de la charia de Mohammed sallallahu alayhi salam et de dire, moi j'ai une connaissance qui n'est pas présente, c'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi salam ne possède pas à propos d'Allah. Personne ne peut dire ça. Comme le Khidr l'a dit avec Moussa. Personne ne peut dire ça à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que il dit laysa li ahadin an yaqula hadha li'anna Allah awjaba 'ala al-khalqi ittiba'ahu. Personne ne peut dire ça à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à toute l'humanité sans exception de le suivre. Ensuite, il dit وَالثَّانِي أَنَّ مَا فَعَلَهُ الْخِدْرِ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِشَرِيعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُبِيحُ ذَلِكِ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُبِيحُ ذَلِكِ. Le cheikh, il dit comme deuxième point qu'on peut mentionner pour réfuter l'argument des soufis par rapport à l'argument qu'il mentionne au sujet de Khidr et Moussa alayhi salam, il dit le cheikh que deuxièmement, ce que Khidr a fait, c'était pas en contradiction avec la charia de Moussa alayhi salam. Il dit lam yakun alima al-asbab allati tubihu dhalik, c'est-à-dire que Moussa alayhi salam, lui, il se basait sur ce qui était apparent. Et il n'avait pas la connaissance des causes de ce que Khidr avait fait, qui justifiait et qui rendait licite ce que Khidr a fait. Parce que Moussa alayhi salam, il se basait sur ce qui était, sur ce qu'il connaissait et ce qui était apparent. Donc il condamnait ce que Khidr faisait. Et il ordonnait le bien, il interdisait le mal selon ce qu'il voyait, selon ce que Allah lui a révélé. Tandis que Khidr, lui, il jugeait selon la connaissance que Allah lui a donnée de certaines choses que Moussa, lui, ne connaissait pas. Donc chacun jugeait selon ce qu'il connaissait. Et ici, le cheikh, il dit والجواب الثاني أن الخدر لم يعمل أشياء مخالفة لشريعة موسى عليه السلام. Pardon. لم يكن لأحد أن يخرج على الشريعة ويحتج بالخدر لأن الخدر لم يعمل شيئا يخالف شريعة موسى عليه السلام ولكن فعل أشياء خفيت على موسى عليه السلام فلما وضحها له أقرهُ على ذلك واعترف له. Donc ici, le cheikh il explique que, deuxièmement, le Khidr n'avait rien fait, contrairement aux soufis aujourd'hui qui prétendent suivre Khidr ou prendre l'exemple de Khidr. hein, et qui contredisent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, Khidr lui-même n'avait pas contredit la charia de Moussa alayhi salam, hein, et il ne faisait pas quelque chose qui sortait en réalité de la charia. Naam. Et donc, personne n'a le droit de prendre comme argument l'exemple de Khidr pour se faufiler ou se défiler de la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, premièrement, Khidr n'a jamais fait rien qui était en contradiction avec la charia de Moussa alayhi salam. Il dit, mais il a fait des choses qui étaient cachées ou qui étaient inconnues, hein, à Moussa alayhi salam. Une fois que Khidr les a clarifiées à Moussa, eh bien Moussa, il les a approuvées. Hein. Il a reconnu que ce qu'il avait fait était bien. Mais avant d'avoir eu la connaissance de l'explication pourquoi il avait agi de cette manière, Moussa ne pouvait pas les approuver parce qu'il ne les comprenait pas. Hein. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On expliquera la suite de l'histoire et les explications de qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là. On va l'expliquer demain, Inch'Allah. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته